La flemme de t'habiller, tu restes en pyjama. La flemme de te lever, tu restes dans les draps. Tu te lèves à midi, tu n'as aucun répit. Tu n'as pas d'appétit, tu ne manges que par dépit. Tu voudrais faire tant de choses, agir pour la bonne cause. Mais tu mets la télé pour bien te reposer. Bientôt l'heure du goûter, tu n'as encore rien fait. Il serait temps de bouger, car la nuit va tomber. Réflexe de vacances, tu sens dans l'insouciance. Réflexe de vacances, innocence inconscience. La nuit tu revis, tu sors, tu vas partout. Tu n'es plus endormi, tu sors de tes égouts. Tu enfiles ton froc, dans un sandwich tu croques. Tu regardes dans tes poches, pas de sous la vie, c'est moche. Tu marches dans la rue sans jamais te presser. Arrivé au bout de ta rue, t'es déjà fatigué. Tu ne sais jamais quoi faire, alors peut-être un concert. Allez voir Cornemuse ou bien de la Cornemuse. Réflexe de vacances, tu sens dans l'insouciance. Réflexe de vacances, innocence inconscience. De vacances, tu sens dans l'insouciance. Réflexe de vacances, innocence inconscience. Tu sais, les vacances ne sont pas éternelles. La meilleure chose à faire, reprendre la vie réelle. Bien sûr, tout a une fin, et toi t'as toujours faim. Bien sûr, faudrait bosser, mais tellement mieux coucher. Alors, seule solution, trouver un compromis. Rester à la maison et travailler au lit. Ce boulot va te plaire, mais comment vas-tu faire? Fais test heure de pluma et dormir comme un doigt. Et dormir comme un loin.